إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication de la aqida des deux imams Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, qu'on appelle Aqidatul Raziyyin. Aqidatul Raziyyin. Naam. Donc on va commencer, et le point dont on va parler aujourd'hui, parce qu'au dernier cours on avait parlé de qu'est-ce qui a rapport avec le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et ça s'est relié en même temps à la question de Al-Asma wa Sifat et la question du Tawhid. Et aujourd'hui, donc, le sujet dont on va parler, c'est la question de la foi en Al-Ghayb, la foi en l'invisible. Et parmi les éléments qui font partie de la foi en l'invisible, il y a la foi en Al-Jannah wa Al-Nar, c'est-à-dire le paradis et l'enfer. Et donc les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils ont dit tous les deux: wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatan la tafnayan wa huma makhluqatan la tafnayan abadan fal jannatu thawabun li awliyaihi والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. Et donc les deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a ont mentionné ce qui signifie: et le paradis est véridique et l'enfer est véridique, c'est-à-dire le paradis est vrai et l'enfer est vrai. Ce sont deux choses qui sont réelles et elles sont toutes deux créées. Le paradis et l'enfer sont tous les deux des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et elles ne vont pas cesser d'exister plus tard. La tafnayan. Donc elles ne vont pas cesser d'exister, elles ne vont pas disparaître dans le futur. Et le paradis, c'est la récompense pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont rapprochés de lui, c'est-à-dire les awliya, c'est-à-dire les croyants. Et l'enfer est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui le désobéissent, qui lui désobéissent, excepté ceux d'entre eux à qui il fait miséricorde. Et donc, le cheikh, il explique maintenant la signification de ces paroles, dans les paroles de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Et donc Cheikh Rabi' il explique ce point qui a rapport avec la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit: al jannatu haqqun yubashshiru biha jami' al anbiya alayhim as-salatu was-salam. Al jannatu haqqun yubashshiru biha jami' al anbiya alayhim as-salatu was-salam. Wan naru haqqun hadhara minha jami' al anbiya عليهم الصلاة والسلام. والقرآن مليء بالحديث عن الجنة وعن النار وعن مصير المؤمنين وأنه الجنة وعن مصير الكافرين وأنه النار. Et donc le Cheikh Rabi hafizahullah, il dit que le paradis est réel, c'est une vérité, une réalité. Et tous les prophètes d'Allah ont donné la bonne nouvelle et l'annonce du paradis. Et l'enfer est réel également et véridique. Et tous les prophètes avertis, tous les prophètes ont averti contre l'enfer. Et le Coran est rempli de paroles au sujet du paradis, ainsi qu'il est rempli également de paroles au sujet de l'enfer. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'enfer et du paradis dans le Coran. Et que le paradis, c'est la destination des croyants, et l'enfer, c'est la destination des kafirines, c'est-à-dire des mécréants, des gens qui rejettent la foi. توعد الله العصاة بالنار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé les gens qui lui désobéissent de l'enfer, comme il mentionne dans le verset 10 dans sourate An-Nisa, ce qui signifie: ceux qui mangent, les biens des orphelins, c'est-à-dire qui mangent illicitement et injustement les biens des orphelins, et ils auront, ils ne font que manger du feu, ils ne font que remplir leur ventre de feu, et ils brûleront dans la fournaise. Donc ça, c'est un exemple de menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui désobéissent à ses ordres. وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ مَوْجُودَتَانِ يُؤْمِنُ بِذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ. Le paradis ainsi que l'enfer sont tous les deux créés et existent présentement, et les gens de la sunna croient en cela. C'est-à-dire que les gens de la sunna croient que le paradis et l'enfer sont créés et qu'ils existent présentement. وأهل البدع في الجملة يؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان لا ينكرون ذلك لكن المعتزلة والخوارج والجهمية المعتزلة خاصة يرون أنهما غير موجودتين الآن وهذا مبني على أصلهم الخبيث أنه يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يعمل كذا ولا يجوز له أن يعمل كذا فيرون أن وجودهما الآن من العبث لأنه ما يدخلها الناس إلا بعد البعث فهما غير موجودتين. Donc le cheikh, il explique que en général les gens de Bid'a, ils croient en l'existence du paradis et en l'existence de l'enfer. Ils ne nient pas l'existence du paradis et de l'enfer. Toutefois les Mu'tazila, les Khawarij et les Jahmiya, ou bien les Mu'tazila en particulier, ils voient plutôt que l'enfer n'existe pas actuellement. C'est ça le problème avec les Mu'tazila, c'est qu'ils reconnaissent ou ils croient qu'il y a un paradis et il y a un enfer, mais ils ne disent pas que le paradis et l'enfer existent présentement. Et c'est ça l'erreur qu'ils ont dans cette question. Et la raison ou le point sur lequel ils ont basé cette fausse pensée ou cette fausse idée que le paradis et l'enfer n'existent pas maintenant, c'est sur leur fondement, qui est un fondement très mauvais, qui dit que, ou qui implique que Allah subhanahu wa ta'ala serait obligé de faire certaines choses et il n'aurait pas le droit de faire d'autres choses. Donc ils disent, selon leur logique et selon leur principe de raison, comme ils pensent qu'ils ont compris la religion en se basant sur leur logique et sur leur raison, et donc ils disent, il n'est pas permis à Allah de faire telle ou telle chose. Et il est obligatoire à Allah de faire telle ou telle chose. Donc ils veulent imposer et interdire des choses à Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leur logique. Et ils voient donc que la présence du paradis et de l'enfer actuellement ou maintenant, que c'est quelque chose qui serait inutile. Hein? Parce que les gens ne vont pas entrer au paradis et en enfer excepté après la résurrection. Donc pour eux, le paradis et l'enfer n'existent pas actuellement. Et donc, le cheikh il dit, wal Qur'an yatahaddath wa sunnah tatahaddath annaha annahuma mawjudatan. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن النار والجنة موجودتان الآن. Donc le Coran ainsi que la Sunna parlent tous les deux du fait que le paradis et l'enfer existent. Il y a de nombreux hadiths qui mentionnent et qui prouvent que l'enfer et le paradis sont tous les deux présents aujourd'hui et qu'ils existent maintenant. Le cheikh il mentionne comme exemple de preuve les versets suivants. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين أردت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمسارعة إلى هذه الجنة التي وصفها بأن عرضها عرض السماوات والأرض وأنها أعدت وأعدها الله سبحانه وتعالى وأوجدها للمتقين. Donc le cheikh il mentionne le verset 133 et 134 dans sourate Al-Imran, deux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et précipitez-vous et dépêchez-vous, hein, sari'u. Donc dépêchez-vous vers, ou bien concourez vers un pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ce paradis qui est large comme les cieux et la terre, qu'il a été préparé, hein, au iddat. Et donc, au iddat, ça implique qu'il est préparé, donc qu'il existe déjà. Au iddat lil muttaqin, qui a été préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage, hein, contrôlent leur rage, et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de se précipiter vers ce paradis qu'il a décrit, et qu'il a décrit en disant qu'il est plus large que les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé et il la prépare et il l'a créé, il l'a fait exister ce paradis pour ceux qui sont pieux, qui ont at-taqwa, qui font ce que Allah a ordonné de faire et qui s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par espoir en son paradis et par crainte de son châtiment. Ensuite, le cheikh il dit, ثم وصف المتقين بهذه الصفات التي ذكرت في هذه الآية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أخلاق عجيبة أعمال عجيبة مرضية يستحقون بها دخول الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il explique, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il décrit les muttaqid. Il décrit ceux qui ont la piété, c'est-à-dire les caractéristiques de ces gens pieux. C'est quoi la caractéristique des muttaqid dans ce verset, dans les versets qu'on a mentionnés? Et il dit à leur sujet que ce sont ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, dans l'aisance et dans les moments de difficulté. Donc ils dépensent de leurs biens. Pas seulement quand ils sont dans l'aisance, même quand ils sont dans l'adversité, ils dépensent de leurs biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour les obligations dans lesquelles ils ont à dépenser. Wal-kazimin al-ghayz, c'est-à-dire quand ils sont en colère et quand ils sont enragés, eh bien ils se calment, ils se contrôlent. Ils ne se laissent pas contrôler par la rage et la colère. Et al-afina an-nas, c'est-à-dire ceux qui excusent les gens et qui les pardonnent lorsqu'ils font quelque chose de mal envers eux. Al-afina an-nas, ils les excusent, ils leur pardonnent leurs fautes et leurs dépassements. Et Allah subhanahu wa ta'ala certes aime les bienfaisants, ceux qui ont al-ihsan, qui font les bonnes œuvres, et qui les font de la meilleure façon, en restant toujours conscient du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, et que Allah les surveille. Donc le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit que ça, ce sont des comportements, yani, qui sont des comportements étonnants. Des comportements étonnants et qui sont des comportements plaisants, par lesquels les gens méritent le paradis lorsqu'ils adoptent ce genre de comportement. Allah subhanahu wa ta'ala les fait entrer au paradis, le paradis qui a été préparé pour eux par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite وَقَالَ عَنِ النَّارَ الَّتِي وقال عن النار في الآية التي قبل هذه من آل عمران واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. C'est-à-dire dans les versets 131 et 132 dans Sourate Ali Imran, juste avant les deux versets qu'on a lus préalablement, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'enfer. Et il dit au sujet de l'enfer, et craignez le feu préparé pour les mécréants, et obéissez à Allah et à son messager afin qu'il vous fasse miséricorde. Donc Cheikh Rabi il dit ensuite فالنار أعدت للكافرين وأمر المؤمنين أن يتقوها والعياذ بالله نسأل الله أن يعيذنا منها وأن يجعلنا من الأتقياء الذين يجنبهم الله تبارك وتعالى وينجيهم الله سبحانه وتعالى منها. Et donc le Cheikh il dit, cet enfer qui a été préparé pour les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de le craindre, c'est-à-dire de s'en protéger, c'est-à-dire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection, que Allah nous en préserve. Donc c'est-à-dire an yattaquha, qu'il s'en préserve. Et la façon dont on se préserve de l'enfer, c'est en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et en s'écartant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. Et que si on tombe dans ce que Allah nous a interdit de faire, eh bien on essaie de se repentir le plus vite possible de ce genre de choses. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en protéger. Et de faire de nous des gens pieux qui sont écartés de l'enfer et que Allah subhanahu wa ta'ala sauve de l'enfer. Amin. Et donc le cheikh il dit ensuite وقال تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إلى آخر الآية. Et donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les versets 21, le verset 21 dans surat Al-Hadid et les versets 107 à 108 dans surat Al-Kahf. Il mentionne les caractéristiques yani, de ceux qui rentrent au paradis et il mentionne yani la récompense du paradis. Il dit: hâtez-vous, précipitez-vous, faites-vous la course les uns les autres vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en son messager et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et il cite dans Surat Al-Kahf les versets 107 et 108 et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui croient et font des bonnes œuvres, ils auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Et ensuite, le cheikh il dit: آيات فيها إعداد الله الجنة للمؤمنين والنار للكافرين فهما موجودتان ورغم صراحة نصوص القرآن والسنة بوجودهما ترى أهل الضلال ينكرون وجودهما الآن وأنه على تشريعهم وعقولهم الفاسدة وجودها الآن من العبث. Donc le cheikh il dit, il y a de nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a préparé le paradis pour les croyants et qu'il a préparé l'enfer pour les mécréants. Et ces deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis et l'enfer, existent actuellement et présentement. Et malgré le fait que les textes du Coran et de la Sunna sont très clairs et explicites sur le fait qu'ils existent actuellement, tu vois les gens de l'égarement renier que le paradis et l'enfer existent présentement, en se basant sur leur fausse raison, leur raison qui a été corrompue. Ils prétendent que le fait que le paradis et l'enfer existent maintenant serait quelque chose de totalement inutile. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le cheikh il cite ensuite le verset, il dit: والله تبارك وتعالى قال عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية تنص على هلاك فرعون وأنه وقومه يعرضون على النار غدوا وعشية. Et donc le cheikh il mentionne comme preuve du fait que le paradis et l'enfer existent actuellement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du peuple de Pharaon. Et il dit: le feu, ils y sont présentés chaque matin et chaque soir. Et au jour de la résurrection, le jour où l'heure viendra, on fera rentrer la famille de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Et donc, ils sont présentés matin et soir à l'enfer. Et au jour de la résurrection, on fera rentrer les fidèles de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Et donc, ce verset est un verset clair et explicite sur le fait que Pharaon ainsi que son peuple qui ont péri sont présentés à l'enfer jour et nuit. Et donc c'est la preuve que le paradis et l'enfer existent actuellement. Et c'est en même temps aussi une preuve de pour le châtiment de la tombe, qu'il y a un châtiment de la tombe. Et les ulamas citent souvent ce verset-là comme argument et comme preuve de ça. Et c'est le verset 46 dans Sourate Ghafir. Le cheikh il dit ensuite « Wa qala an qawmi Nuh mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara alfa'u lit-ta'qib wa at-tartib ay an dakhalahum النار كان عقيب إهلاكهم وهذه الآيات الكثيرة التي تدل هذه من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الجنة والنار موجودتان. Et donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sourate Nuh dans le Coran à propos justement pour prouver par rapport au fait que l'enfer existe maintenant, il cite le verset 25 dans Sourate Nuh. C'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et à cause de leur faute, ils ont été noyés. Puis on les a fait entrer au feu et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. » Et donc, le cheikh il dit que ici, le fa dans fa udkhilu, le fa il vient pour dire que c'est arrivé tout de suite après, que ça vient tout de suite après. Et donc il dit, à cause de leur faute, ils ont péri, ils ont été noyés, c'est-à-dire le peuple de Noé, et que leur entrée dans l'enfer a été juste après leur perdition et leur noyade. Et le cheikh il dit que ça fait partie de nombreux versets qui indiquent que le paradis et l'enfer existent maintenant. Wa hadith ibn Umar radiyallahu anhuma idha mata ahadukum fa innahu yu'radu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. Et donc le cheikh il dit que il y a donc de nombreux versets et il cite maintenant des hadiths. Et il cite en premier un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous meurt, il est présenté à sa chaise, c'est-à-dire on lui présente sa chaise le matin et le soir. S'il fait partie des gens du paradis, alors il sera sa chaise sera dans celle parmi les gens du paradis, et s'il fait partie des gens de l'enfer, alors ce sera parmi les gens de l'enfer qu'il aura sa chaise. Il mentionne un autre exemple, un autre hadith. Il dit وَالرَّسُولُ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نِصْفَيْنِ أو فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها وهذه الأحاديث في الصحيحين. Il mentionne un autre hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, dans lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le noble messager, a dit que l'enfer s'est plaint à son Seigneur. Et elle a dit: « Ô mon Seigneur, une partie de moi-même a consumé l'autre. Une partie de moi-même a consumé l'autre. C'est comme si le feu se consumait par lui-même. L'enfer s'était consumé par elle-même. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Et par la force du souffle, il dit la force que vous trouvez du froid en hiver, ça vient de Zamharir, hein, de l'enfer. Et la chaleur que vous trouvez, la dure chaleur que vous trouvez en été, ça vient de Samoum de l'enfer, c'est-à-dire la fumée de l'enfer, la chaleur de l'enfer. Et donc ça c'est pour dire que l'enfer et le paradis, hein, l'enfer ici, ça c'est plus une preuve par rapport à l'enfer, parce qu'il ne cite que l'enfer ici, que l'enfer existe actuellement et présentement. Hein, ça c'est une preuve claire à ce sujet-là. Et ensuite, donc ce hadith-là, il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et en même temps aussi, ça c'est la preuve que dans l'enfer, il y a le châtiment de la chaleur et le châtiment aussi du froid. Hein? Il y a du froid aussi qui brûle. Hein? Et le froid est brûlant. Il y a ce verset-là qui parle, donc il y a ce hadith là qui parle de Az-Zamharir, et il y a d'autres versets aussi, comme le verset dans Sourate Sad qui mentionne ce point là aussi. Ensuite le cheikh il continue et il dit: رغم ذلك أهل الضلال ينكرون وجودهما وأن وجودهما الآن عبث والله يجب عليه أن لا تخالف منهجهم قبحهم الله فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الأسماء والصفات عطلوا صفات الله عز وجل حذرا من الوقوع في التشبيه كما يزعمون ثم شبهوا الله بالمخلوقين عليه أن يفعل كذا وعليه أن يفعل كذا فشبهوه في الأفعال. Donc le cheikh il mentionne donc l'égarement des Mu'tazila dans cette question et dans d'autres questions également, comme la question des noms et des attributs d'Allah. Donc le cheikh il dit malgré que les gens de l'égarement, comme les Mu'tazila ici, ils nient la présence du paradis et de l'enfer actuellement, et ils prétendent que l'existence du paradis et de l'enfer, eux ils disent ça n'existe pas maintenant, le paradis et l'enfer n'existent pas encore, et ils disent que leur existence c'est quelque chose d'inutile, c'est-à-dire pour eux c'est inutile que l'enfer et le paradis existent maintenant, et il dit: je jure par Allah, c'est étonnant comment ces gens-là ils veulent imposer leur méthodologie comme si tu n'avais pas le droit de les contredire, hein, que Allah les maudisse. Et il dit: dans les actions ils sont des mushabbiha, c'est-à-dire dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont des mushabbiha, et dans les noms et les attributs ils sont des mu'attila, c'est-à-dire dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont des mushabbiha, ils font ressembler Allah à sa création, et dans les noms et les attributs ils sont des mu'attila, c'est-à-dire ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il nie les attributs en particulier. Et le cheikh, il dit ici, il nie les attributs d'Allah par crainte de faire du tashbih, c'est-à-dire par crainte de faire ressembler Allah à sa création, comme ils le prétendent. Puis ensuite, ils font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures en disant il est obligatoire pour lui de faire telle chose ou lui est interdit de faire telle chose. Et donc ils le font ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala à ses créatures dans les actions d'Allah. Et donc ça c'est grave. Hein? Ça montre en même temps leur contradiction, qu'ils nient les attributs d'Allah par crainte du tashbih, puis ensuite ils font le tashbih avec Allah en lui imposant et lui interdisant des choses comme s'il était une créature. Hein? Donc ils font le tashbih et ils prétendent vouloir nier les attributs d'Allah pour s'enfuir du tashbih. Donc c'est ça la contradiction des gens de l'égarement. Allah al-musta'an. Le cheikh il dit ensuite قوله فالجنة ثواب لأوليائه قال تعالى إن الذين آمنوا قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض إلى آخر الآيات آية كثيرة جدا تعد المتقين والعاملين للصالحات بالجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقوله والنار عقاب لأهل معصيته وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في سورة البقرة لمن يكذب القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Donc le cheikh il commence à citer des exemples de qu'est-ce qui a rapport avec le paradis maintenant et ainsi que les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Et donc il dit ceux qui ont cru en Allah et qui ont fait des bonnes œuvres, ils auront le jardin du Firdaus comme demeure. Pour y demeurer éternellement et ils n'y désireront aucun changement. C'est les versets 107 et 108 dans Sourate Al-Kahf qu'on a mentionné tout à l'heure. Il mentionne également les versets dans Sourate Al-Naba, les versets 31 à 37. Dans Sourate Al-Naba, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Inna lil-muttaqina mafaza » Certes, pour les pieux, il y aura une félicité. Il y aura un succès. Une réussite. Jardin et vigne. Donc ils auront des jardins et des vignes. Et des belles, c'est-à-dire des femmes, des belles femmes, au sein arrondi. D'une égale jeunesse. Et des coupes débordantes. Et ils n'y entendront ni futilité ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant du Seigneur des cieux et de la terre. Jusqu'à la fin des versets. Et il cite également le verset 133 qu'on a lu au début dans Surat Al-Imran, hein, et concourez vers le pardon de votre Seigneur et un jardin ou un paradis qui est de la largeur des cieux et de la terre préparé pour les pieux. Et quand les deux imams Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi ont dit tous les deux et un enfer préparé pour les gens de son, de sa désobéissance, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, dans sourate al-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, sauvez-vous-même ainsi que vos familles du feu, dont le carburant sont les hommes et les pierres, sur lesquels veillent des anges durs et rudes, qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne de faire, et qui font ce qui leur a été commandé. » Et il mentionne également les versets, dans Sourate Al-Baqarah, les versets 23 à 25, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Et si vous êtes dans un doute à propos de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, c'est-à-dire sur notre messager, sur notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez un doute à ce sujet, hein, et vous n'êtes pas convaincu, alors tâchez de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, hein, c'est-à-dire les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Et si vous ne pardonnez pas, et à coup sûr, vous ne serez pas capable de le faire et vous n'y parviendrez pas. Alors parez-vous donc contre le feu qu'alimente les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Et juste après, il parle du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit, c'est-à-dire qu'on va leur donner un fruit parmi les fruits du paradis, ils diront, c'est bien là ce qu'il nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Hein, ils vont rester au paradis éternellement. Et donc le Cheikh Rabir, il explique et il dit, les gens de la désobéissance, les gens du péché, ils vont rentrer dans l'enfer. Il dit, Ahlu ma'siyatihi yadkhul fihim dukhulan awlawiyan al-kuffar وأهل المعاصي أهل الكبائر تحت مشيئته سبحانه وتعالى من شاء عفى عنه ومن شاء عذبه فيصدق عليه الوعيد في النار حتى قال هنا إلا من رحم الله عز وجل نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم وأن يعيذنا وإياكم Amin. Donc le cheikh il dit, et les gens de la désobéissance d'Allah, ceux qui désobéissent à Allah, c'est eux qui méritent l'enfer, qui vont être en enfer. Et le cheikh il dit, les premiers à rentrer dans l'enfer, c'est les kuffars, ceux qui ont rejeté la foi en Allah. Puis ensuite, les gens qui ont commis des péchés, il y en a qui ont commis des grands péchés. Et eux, ils sont sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire les gens qui ont commis des grands péchés parmi les gens du Tawhid, les gens qui sont musulmans, ils sont sous la volonté d'Allah. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire miséricorde, il va leur pardonner. Hein, il va pardonner à ceux à qui il veut. Ou bien il va châtier ceux qu'il veut. Et donc, la menace du feu de l'enfer est réalisée et véridique pour eux. Excepté, comme les deux imams ont mentionné ici, excepté ceux sur qui Allah a fait miséricorde. Et donc ça c'est la aqidah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a à propos des pécheurs et des gens qui ont fait des grands péchés. Même s'il rentre en enfer, il n'y rentre pas de façon pour y rester éternellement. Ils vont en sortir à un certain moment donné. Et même Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de leur faire miséricorde et de ne pas les faire rentrer en enfer s'il veut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse, ainsi que vous-même, être parmi les gens des paradis, des jardins d'Allah subhanahu wa ta'ala et du paradis éternel, et qu'il nous préserve, ainsi que vous-même, du feu de l'enfer et de la fournaise. Donc, on s'arrête ici, parce que c'est la fin du point numéro 8 dans la Aqidah des deux Razi. Et demain, Inch'Allah, on continuera avec le point qui a rapport avec As-Sirat et le point qui a rapport avec ensuite c'est Al-Mizan, c'est-à-dire la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, par laquelle il va peser les œuvres des hommes. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera demain, bi'ivnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.